Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Pour cette rubrique news, on va aborder plusieurs trailers qui sont sortis récemment. On va commencer, si tu veux bien, par le trailer le plus récent, c'est-à-dire celui de Ant-Man et la Guêpe. Donc Ant-Man qui revient après un premier épisode qui était assez plaisant, moi je trouve. Hein. Ça m'a beaucoup plu, l'esprit un peu de dérision et le côté un peu léger par rapport aux autres films Marvel, avec l'histoire du cas et aussi quelques effets spéciaux. Découvrir ce personnage qui finalement est le deuxième Ant-Man dans l'histoire du comic. C'est-à-dire que lui, il est finalement chapeauté par le Hank Pym original, c'est Scott Lang, toujours joué par Paul Rudd, et on retrouve aussi Evangeline Lilly dans le rôle de Hop Van Dyne, alias la Guêpe. Qu'est-ce que tu avais pensé au fait de ce premier Ant-Man ? Ouais, le premier Ant-Man, il était franchement bien, quoi. C'était pas un meilleur Marvel que j'ai jamais vu, mais il était très divertissant, très bien rythmé. Les effets rapetisser, grandir, etc., c'était assez novateur. Bon, les effets spéciaux sont bien, ça c'est du MCU, de toute façon, les effets spéciaux sont toujours bien, à part 2-3 blue screen sur Thor Ragnarok qui ont été un peu choquants, mais sinon en général ça va, il y a pas de souci. Le trailer de Ant-Man and the Wasp, il donne carrément envie de le voir. Hein. Ouais, il y a du rythme, le deuxième trailer en plus, inversion entre la taille des véhicules, ce qu'ils arrivent à faire avec la taille, on va dire le downgrade et l'upgrade de la taille, c'est quand même vraiment bien trouvé sur certains trucs. Mmh. Ah, c'est une bonne mise en bouche qui donne envie d'aller le voir. Ouais, bah dans le trailer, il y a quelques nouveautés. On voit plus de plans avec Ghost notamment. Il y a aussi quelques plans supplémentaires sur la dimension, je vais dire un petit peu microscopique. Je sais pas si c'est Hank Pym qui va explorer le côté justement miniature de l'atome. Ouais, tu parles certainement du microvert qu'on voit un petit peu quand ils sont qui fait voyage dans le corps, je me rappelle plus du titre du film. Bah, ça fait un peu l'aventure intérieure quoi. Ouais, ça fait un peu l'aventure intérieure. Si on en suit la théorie qui est un peu mise par Captain Popcorn ou certains youtubeurs assez célèbres, apparemment il y aurait une explication du micro-vert qui échapperait aux règles de l'univers, ce qui permettrait justement d'expliquer une petite partie d'Avengers, apparemment dans le film Ant-Man and the Wasp. Enfin ça c'est qu'une théorie, mais apparemment on en apprendrait plus sur le micro-vert et sur sa possibilité d'avoir une relation non symbiotique avec notre univers. Et on va certainement avoir une scène post-générique dans le film qui nous dira qui va nous accrocher à Avengers ou au prochain Avengers ou au prochain film Marvel, tout simplement, je pense. Ouais, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que Ant-Man and the Wasp se déroule avant Avengers Infinity War, c'est ça ? Ça doit être ça. Donc du coup à voir si il y a quelques éléments qui pourraient nous expliquer jusque le déroulement, mais moi pour l'instant c'est pas ce que je veux aller voir, hein. C'est pas impliqué à Avengers, voilà. Là clairement un film Ant-Man, un film divertissant avec pas mal de touches d'humour, parce que s'il y avait déjà pas mal dans le trailer, avec notamment maintenant qu'il est accompagné de la Guêpe, on sent quand même un certain tandem dynamique et un couple qui est assez fort pour contrer justement une nouvelle menace. Ouais, puis ce qui est marrant dans le teaser, c'est que... Enfin là, c'est plus un teaser. Dans le trailer, c'est qu'on y voit Evangeline Lilly, donc The Wasp, carrément au-dessus du niveau d'Ant-Man, alors qu'il a fait ses preuves dans Ant-Man et un petit peu dans Civil War aussi. Moi, je trouvais ça assez marrant de rabaisser Scott pour montrer que ça reste qu'un gamin qui a encore beaucoup de trucs à apprendre, quoi. Bah oui, parce que quand si on se souvient de la scène d'entraînement de combat entre Hop et Scott, elle le battait largement, quoi. Ouais, exactement, elle avait les mêmes techniques de combat que Black Widow, quasiment, et puis il se prenait des patates, il comprenait pas ce qui lui arrivait, quoi. Donc, à mon avis, elle est quand même plus expérimentée dans le domaine scientifique, vu qu'elle tient beaucoup de son père aussi. On retrouvera aussi l'équipe de bras cassés du premier, quoi. Elle est marrant, l'équipe de comiques. Et moi, j'ai hâte, ce sera pour apparemment le 22 juillet donc de cette année. Pour moi, le rendez-vous est déjà pris, quoi. Bah, pour moi aussi, le rendez-vous est pris. Hein. Je pense qu'on va pas s'ennuyer. De toute façon, c'est du MCU, donc en général, on n'est pas déçu, mis à part quelques petites licences qui ont posé problème. Ant-Man and the Wasp, je signe aussi. Bon, on va passer au deuxième trailer. Là, c'est un trailer aussi de super-héros. On va faire Deadpool 2, tiens. Donc ce second trailer qui a quand même plus d'action, on montre enfin, je dirais, la X-Force en action, avec tous les membres. Alors il y a Domino, il y a Bedlam, il y a Shatterstar, et puis il y a le dénommé Peter, là. Enfin, le mec qui a aucun super pouvoir, mais qui finalement fera partie de l'équipe des mutants, quoi. Ouais, c'est vrai, on le voit dans le trailer, c'est marrant, quoi. Parce que, je veux dire, il arrive, il fait « c'est quoi ton super pouvoir ?» Il fait « j'en ai pas, t'es engagé ». Et rien que ça, voilà, ça montre un petit peu le film et comment... comment Deadpool est une licence qui se prend pas au sérieux, et pourtant les scènes d'action, ça fait carrément sérieux. Alors on voit qu'il y a plus d'ambition et plus de budget dans le premier, notamment quand il y a cette poursuite avec Cable dans le camion. Je sais pas, apparemment il y a des scènes dans une prison pour mutants, j'ai pas bien compris. Ouais, on dirait que c'est un peu plus hard que le premier. Bon, on retrouve des personnages très connus comme Colossus par exemple, ou Negasonic Teenage Warhead. Ouais, j'ai réussi à le dire. Il y a aussi d'autres nouveaux personnages qui vont arriver, comme l'espèce de... au départ, je pensais que c'était une nouvelle itération de... Je pensais que c'était une itération de Psylocke, mais apparemment, c'est pas ça, c'est une autre mutante. Ouais, question de licence. Hein. Non, mais moi, voilà, les mutants dans Deadpool, c'est pas pour ça que je veux aller les voir, parce que ben, je les connais pas trop, hein, tout ce qui concerne X-Force. Moi, j'ai juste envie de voir un Deadpool qui va à la fois avoir des bonnes sets d'action, puis tu peux mettre ton cerveau sur pause et aller voir un film qui est très divertissant. S'il est comme le premier, quatrième mur, on n'en tient pas compte. Ouais, il y a beaucoup de trucs dans Deadpool, dans la bande-annonce, qui me dit, tiens, ça part sur la même lignée, des scènes d'action totalement décomplacées. Ah oui, j'ai débridé. Voilà, des phrases piquantes, notamment quand il dit à Cable, ouah, qu'est-ce que t'es dark, tu ferais pas partie du DCU. Voilà, bah, tous les trois phrases comme ça, ou quand on a aussi Cable qui dit une phrase à Deadpool et que Deadpool il dit, oh, la ferme Thanos. C'est vrai en plus. Ouais, c'est dans la scène où, d'ailleurs, qui est pas trop mal faite, c'est quand Cable tire tout la cartouche de flingue contre Deadpool, qui repousse tout par le biais de ses katanas. J'ai trouvé que c'était vraiment réussi cette scène. En plus, c'est une scène qui rappelle Wolverine Origins, hein, parce que c'est en fait Deadpool rentre pour avoir le vibranium avec tous les Africains qui sont en train de s'échanger des diamants là, et il fait les scènes comme ça avec ses sabres, et puis voilà. Et là, dans la scène de Deadpool où c'est il fait la meilleure scène d'Origins d'ailleurs, non, et la scène où Deadpool il fait ça dans le teaser, bah il se retrouve avec des impacts de balles sur lui, c'est il sûr. Fait waouh, elles sont rapides tes balles. Ouais, déjà il y a le troll de service quoi, mais ouais, comme pour revenir à X-Men Origins, c'est encore Ryan Reynolds, c'est Wade Wilson en fait, cette scène là peut-être l'une des meilleures scènes de X-Men Origins, qui est quand même un mauvais film dans le fond. Hein, après Deadpool, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a quelques scènes, on nous remontre toujours Véronica, enfin sa femme, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, ça par contre, c'est pas quelque chose que je suis pressé de revoir. Puis Topinder, des trucs comme ça, ouais, j'ai pas forcément envie de les revoir non plus, mais moi je pense que voilà, ça peut être divertissant, ça va briser le quatrième mur, et ça part exactement sur l'esprit de la BD, et ça continue. Comme quoi, il faut savoir écouter Ryan Reynolds quand il propose une idée, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même lui qui a fait des pieds et des mains pour faire le premier Deadpool, personne n'y croyait, c'est-à-dire à sa version à lui de Deadpool. Quand on voit le résultat qu'a fait le premier, voilà, il y aura un numéro 2 qui va sortir, et je pense que, comme il dit dans la bande-annonce, non, on va s'arrêter à 2, parce que le 3, c'est toujours un chiffre maudit. Donc on va passer au troisième, là, c'est plus un super vilain qu'on va aborder, c'est Venom, et après un teaser qui en montrait pas grand-chose, vraiment, qui teasait quoi, un petit peu, là, on a une première aperçu du symbiote, donc que ce soit dans sa forme symbiotique, dans sa forme costume, là, on retrouve Tom Hardy, dans le rôle d'Eddie Brock, et on en sait un peu plus sur l'intrigue, c'est-à-dire que lui, il va enquêter sur une espèce de laboratoire qui a récupéré 3 symbiotes, hein, si c'est bien ça, de couleurs différentes apparemment. Lui, il est un peu curieux et il va se faire contaminer, et justement, il va devoir échapper aux hommes de main du grand méchant, et pendant sa course, eh bien, il sera involontairement sauvé par le symbiote et les pouvoirs qu'il a attrapés, quoi. Il y a vraiment une vraie, une vraie connexion entre le symbiote et lui, que ce soit mental ou physique. Je pense notamment à cette scène où il est en moto, où il y a des espèces de tentacules qui lui sortent du dos, des hanches pour écarter les voitures ou pour se rattraper. Puis aussi, il y a cette scène finale où on voit carrément que on voit la tronche de Venom, quoi, avec sa grosse mâchoire, ses yeux blancs et cette langue toute visqueuse, et aussi le côté organique du personnage, quoi, finalement. Un personnage qui fait un peu, au niveau de la dernière image, qui fait un peu Spawn, tu vois, mais en beaucoup mieux réalisé. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi sur Venom, faut mettre un petit peu dans le contexte, c'est que c'était un super vilain dans Spider-Man, qui normalement devait faire qu'une ou deux apparitions pour montrer un côté anti-Spider-Man, c'est-à-dire l'anti-héros, et pour finir que les fans ont tellement adoré que Marvel a décidé de faire toute une série sur Venom après. Et là, dans le teaser, et d'ailleurs ce qui a été annoncé par la production, c'est qu'il n'y aurait aucun rapport avec Spider-Man. C'est complètement délié de l'univers du MCU, quoi. C'est complètement indépendant, il n'y a pas de... Il m'a précisé s'il y aura un caméo ou quoi de Tom Holland, on ne sait pas. Enfin, de toute façon, pour l'instant, Tom Holland... Apparemment, il est plus tellement bien vu parce qu'il a balancé trop de spoilers sur Avengers, mais faut rappeler que Venom à l'origine c'est un symbiote qui vient d'une lointaine planète, je parle dans le comics, hein. Il a débuté en tant que symbiote dans Guerre Secrète. Ensuite, il s'est accroché à Spider-Man pour justement lui donner son fameux costume noir avec son insigne d'araignée blanc. Et puis ensuite, Peter Parker a dû s'en séparer de force. Et il est arrivé, il s'est fusionné avec le journaliste Eddie Brock, qui était lui-même malade. Et la rancune a fait que c'est devenu l'un des plus importants ennemis de Spider-Man dans le comics. Il y a aussi de nombreux dérivés. Hein. Là, on parle aussi de Carnage. Il faut rappeler que le Venom est Todd McFarlane. Donc, tu parlais de Spawn, mais en fait, McFarlane, c'est aussi le créateur de Spawn. C'est un peu pour ça qu'on retrouve un peu physiquement un peu les mêmes caractéristiques. Oui, c'est vrai, il y a ce côté un peu symbiotique, hein, Spawn, quelque part. Ouais, on peut retrouver des similitudes entre le Spawn et le Venom. Mm. Mais là, au niveau de Venom, voilà, je voulais juste dire que c'était bien qu'ils arrivent à se détacher d'une licence Spider-Man. Bah, c'est vrai qu'il n'y ait pas de rapport avec Spider-Man, bon, ça ne va pas me déranger plus que ça. Ah, le fait qu'il y ait une histoire, de toute façon, ça se peut, parce qu'on a bien eu les séries Agent Venom, où le symbiote fusionne avec Flash Thompson pour pouvoir être un agent, pas du Shield, mais presque, pour pouvoir être un anti-héros un peu plus costaud et un peu plus cinglant que Spider-Man. Et sachant que Venom, à l'origine, quand il a fusionné avec Spider-Man, on voulait nous montrer que si Spider-Man il se lâchait, entre guillemets, il pouvait vite basculer du mauvais côté. Il devenait plus violent, il devenait plus instinctif, parce qu'il quand même à cette période-là où il sort avec la chatte noire et en même temps Mary Jane Watson, et Peter Parker a décidé de se séparer de Venom parce que certes ça lui apportait beaucoup de pouvoir, mais ça l'empêchait d'être ce qui lui jugeait un super-héros digne de ce nom. Ouais, c'est ce qui est un peu mal retranscrit dans le Spider-Man 3, parce que je trouve que il devient un bouffon, et puis le Venom est très mal exploité d'ailleurs dans ce film-là. Non, dans Spider-Man 3 c'est le Venom le mieux exploité, pour la simple et bonne raison que c'est le Venom qui se rapproche le plus du comics originel. Parce que là, le fait que Venom soit un anti-héros, ça s'éloigne complètement du comics. Hein. Normalement, Venom, c'était exactement ce qui était dans Superman 3. Un Peter Parker maléfique. Et là, dans Spider-Man 3, c'est exactement ça. Après, de la façon dont ils le battent, là, par contre, ça laisse à désirer. Mais sinon, au niveau du personnage en lui-même, dans Spider-Man 3, c'est un très bon personnage. Mal exploité, mais là, c'est le seul personnage de Venom qui se rapprochait des comics. Ah ouais, tu trouves? Parce que moi, cette scène de danse, je trouve un peu ridicule. Je trouve qu'il fait un peu bouffon. J'aime bien le côté sombre de Peter Parker qui ressort, mais pas tant que ça finalement. Ouais, mais on va pas en discuter sur Spider-Man 3, parce que moi c'est celui que j'aime le moins. Mais pour revenir à Venom, bon, il y a aussi Anti-Venom. Ouais, enfin dans les Venom t'en as beaucoup. Ouais. T'as Venom, t'as Carnage, t'as Toxin, t'en as d'autres que j'ai oublié. T'en as même un qui fusionne avec Mary Jane Watson à un moment, donc dans aussi, l'univers Ultimate. Mmh. Donc voilà, il y a beaucoup. Après voilà, ils ont créé un Némésis pour Venom, alors que Venom c'est déjà le Némésis de Spider-Man. Donc si on suit leur logique, normalement Carnage, ça devrait être un gentil, parce que c'est un anti-méchant. Enfin, voilà, il y a des trucs, je pense, qui sont emmêlés au niveau de la saga Venom. Et donc, pour revenir à ce trailer, sortir de tout ce carcan, etc., et nous sortir un Venom qui a une autre origine, moi, je fais partie des personnes qui pourraient trouver ça intéressant, et pourquoi pas, quoi. En plus, je veux dire, c'est quand même jouissif de voir ce Venom, surtout à la fin, quand il dit oui à Venom. Ouais. Il y a ce côté fanboy, là, qui est ressorti, et puis qui m'a fait aimer. T'as bien aimé, là, hein, fanboy. Voilà, au niveau fanboy, ça a bien tilté sur moi. Mm. Puis montrer aussi que voilà, c'est un symbiote, il s'approprie Eddie Brock, et en même temps il s'approprie son intelligence, parce que le symbiote il arrive à déduire que si tu tournes un volant brusquement quand t'es balancé en pleine poursuite, les deux véhicules ils dégagent, quoi. Donc tu vois, un Venom quand même un peu plus intelligent. Ouais, et puis il sait où est son intérêt, c'est-à-dire que son autre survive, parce qu'aussi il y a une dépendance physique, je pense, et qu'il doit tout faire aussi. Par contre, on sait pas quelle orientation aura le personnage. Est-ce que ça va être quelqu'un qui va être du bon côté, ou est-ce qu'il va y avoir des mauvais comme dans le comic book? Ça, on ne sait pas du tout. Bah, juste que comme on nous a teasé une image de Carnage, voilà, je pense qu'on a la réponse à la question, du coup. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs, dans les extraits, on voit plusieurs personnes qui sont contaminées, effectivement. On sort du côté, je veux dire, un super-héros Marvel, et on va aller très loin dans l'espace. Deuxième trailer de Han Solo, qui en donne envie d'en voir plus, effectivement, avec de belles scènes d'action. Notamment, je retiendrai cette scène un peu westernienne du train qui va dans la glace avec Han Solo sur le toit avec les espèces de troopers. J'ai trouvé ça pas mal, et puis on découvre de nouveaux personnages. Hein. Il y a Dryden Voss, il y a aussi Anfis Nest, le personnage masqué dans le désert. Bah aussi, il y a Chewbacca qui sera là aussi. Et le film se divisera en deux parties, c'est-à-dire qu'on aura une période pré-Chewbacca où il sera avec Kira, et après on a toute cette partie avec où tout le mythe se met en place avec le Faucon, Lando, Kira, l'aspect contrebandier, parce qu'on voit aussi, il y a un plan que j'aime beaucoup, c'est l'aspect un peu Léon, c'est-à-dire qu'on voit le flingue du côté de Han avec en train de un petit peu de décocher. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je suis super emballé. J'avais déjà été très emballé par le premier, et là, franchement, toutes ces nouvelles images avec l'histoire du faucon qui va dans l'espèce de nébuleuse et qui slalome entre l'espèce de bête un peu lovecraftienne. Moi, je suis impatient d'aller le voir, peut-être pas pour les mêmes raisons que toi. Moi, je suis impatient d'aller le voir parce que, voilà, quand tu regardes le trailer numéro 1 ou numéro 2 de Solo, il se passe déjà plus de trucs que dans Star Wars 8. Donc, évidemment, ouais, je suis pressé d'aller le voir. Ça va être un grand spectacle. Les scènes avec le faucon, bah, c'est toujours magique, hein, surtout quand, là, on nous montre que, voilà, qu'il s'est bien piloté, quoi. Quand il envoie baldinguer un TIE Fighter dans cette espèce de tunnel. Voilà, c'est super bien fait. Les scènes un peu plus western, bon, ça m'intéresse déjà un peu moins, mais après, il y a les scènes de poursuite en Landspeeder. T'as envie d'en voir plus, quoi. Ça nous change un peu des Fast and Furious. Parce que là, c'est quelque chose où on arrive vraiment à accrocher. Donc, ouais, Star Wars, Han Solo, bon, malheureusement, on a des spoilers à vous, hein, personne meurt à la fin, ni Chewbacca, ni Han Solo, parce qu'on les retrouve dans les autres Star Wars après. Mais voilà, non, c'est quelque chose qui donne envie, plus envie d'aller voir Han Solo que Star Wars 9. Ouais, c'est sûr que le Star Wars 9, nous, on était tellement déçus du 8 qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes, je vais dire, ni sur les personnages, ni sur l'histoire, ni sur le reste, parce que ça tapait des filles, des peaux, des machins, et des Kylo Ren surtout, parce que celui-là, il me sort pas trop de nez. Voilà quoi, mais par contre, Solo, ouais, moi je dis oui, et puis de toute façon, c'est dans 15 jours, et je suis déjà impatient. Ouais, puis les hommages sont bien tournés, hein, comme tu disais, quand on voit cette bête Lovecraftienne qui nous fait penser au gros ver géant quand il se balade dans des astéroïdes, et voilà, ils nous ressortent des petites références qui titillent notre âme de fan, mais ça semble pas encore trop lourd pour l'instant. Faut pas non plus que ce soit du style, si tu te rappelles cette scène dans le Faucon, dans l'épisode 7, où on te balance 3 références à la seconde, du style, ah oui, le parsec, ah oui, ça c'est la boule de Luke quand il s'entraîne, ah oui, ça c'est le jeu d'échecs, je sais pas, mais si t'as pas compris que t'es dans le Faucon Millenium, t'es un gros débile, quoi. Ouais, on nous le raccroche un peu plus, enfin un peu plus subtilement, ça c'est pas très subtil non plus au niveau d'Han Solo. Par contre, au niveau de l'intégration dans les teasers, ouais, ça va, ça passe, ça passe impeccable, ça fait pas raccrocher à coup de pelle. Bah moi je réserve mon billet, Han Solo, voilà, sort le 23 mai, dès que c'est dispo, voilà, je réserve mon billet en ligne. Ouais, et puis vous aurez le podcast qui va bien avec. Donc on va passer au monstre géant maintenant. Bah le premier c'est Godzilla, donc la suite de Godzilla Monster Planet, City on the Edge of Battle, toujours diffusé sur Netflix, et qui sortira courant mai apparemment au Japon, donc pas longtemps après sur Netflix. Et voilà donc la suite du film où on retrouve donc les colonisateurs. Il y a les indigènes. Bah en fait voilà, c'est la suite directe de Godzilla, mais directe, c'est-à-dire que après le coup de queue de Godzilla, on n'aura pas d'ellipse, ça va reprendre tout de suite après. Parce que dans le premier, voilà, ça termine sur un coup de queue d'un autre Godzilla après qu'ils en ont battu un et on sait pas trop sur quel pied danser. Et donc là, ouais, il y aura donc la population indigène, donc les humains qui ont pas pu décoller. Et on va dire, ouais, les colons, enfin, ou les revenants, parce qu'ils reviennent sur leur planète 20 000 ans après. Et apparemment, il y aura toute une histoire avec ceux qui ont survécu avec Godzilla et ceux qui ont voulu échapper à Godzilla et qui survivent à peine. Et puis, il y a un petit teasing à la fin, c'est la présence du méca Godzilla, quoi, en fait. Qui pose un petit souci parce que quand ils sont partis il y a 20 000 ans, Godzilla faisait, je veux dire, 150-300 mètres de haut à peu près. Et puis, donc Mechagodzilla, je pense qu'il devait faire la même taille. Et là, on a un Godzilla qui fait 600 mètres de haut après 20 000 ans. Donc, je crois qu'il y aura un petit problème au niveau de la continuité. Il y a un petit problème de rapport de force à la Grid Mazinger, j'ai envie de dire. Mais je sais pas comment ils vont justifier ça. Après, voilà, ça reste un Godzilla. Hein. Ça va pas être fait pour nous faire réfléchir plus que ça. Ça va être des scènes d'action un peu comme dans le premier. Voilà, parce qu'il y avait quand même quelques scènes empathiques. Où on sacrifiait les vieux pour sauver les jeunes. Très japonais comme mentalité. Bon, moi personnellement, évidemment, je suis impatient de le voir, mais ça c'est mon côté fan otaku de Godzilla qui parle. Sinon au niveau des effets spéciaux, enfin c'est dur à dire effets spéciaux parce que c'est des images animées, mais au niveau visuel, ouais, pour l'instant il n'y a rien à acheter. Bon, au niveau de l'animation, on voit que c'est bien supérieur à tout ça peut se faire, hein. Je crois que ça mélange d'ailleurs tout ce qui est 2D et 3D, surtout le Godzilla qui note en 3D, à mon avis. Ouais, il y a quelques passages où il est mal réalisé, mais ouais, c'est vrai que sinon la jonction est pas mal. Ouais, donc si vous voulez déjà notre avis sur le premier film, vous pouvez déjà consulter notre double dossier sur Godzilla. Et donc on fera un podcast dans l'avenir avec quand on aura vu les trois films. Donc on pourra donner un avis d'ensemble sur l'ensemble du triptyque, quoi, en fait. Voilà, parce que je pense pas que ce soit nécessaire de donner un avis sur la partie numéro 2. Parce que en fait, voilà, c'est un triptyque comme tu dis. Donc si on n'a pas les trois morceaux, je vois pas l'intérêt d'en dessiquer une, puis après une, puis après une. Donc autant faire une grosse partie sur les trois Godzilla qui vont sortir en 3 ans. Voilà, on va explorer les fonds marins maintenant. Voilà, donc avec une suite directe des Dents de la Mer. Ouais, enfin une suite, moi plutôt... Je dirais plutôt une suite de Shark Attack ou des productions Asylum. C'est-à-dire que c'est la Warner, je sais plus quelle maison de production, je pense que c'est la Warner, qui est très opportuniste et qui slalom sur ces films un peu à la Sharknado ou Mega Shark versus Mega Octopus. Enfin, tout ce genre de navets de série Z. Et là, ben, on a Jason Statham qui va se battre contre le grand requin géant de 22 mètres de longueur, quoi. Un trailer qui va complètement, qui était complètement débridé dans ses scènes d'action. T'as le requin qui passe en dessous de baigneurs, tout ça, il remarque à peine, il est pas loin de bouffer un hélicoptère, il saute au-dessus d'un bateau, enfin bref, bon, il y a quelques scènes que j'ai trouvées sympathiques, mais j'ai resté certainement un coup d'œil, mais dans l'ensemble, ça sent le pot pourri quoi, des Dents de la Mer. D'ailleurs, il est très ressemblant avec les Dents de la Mer 3, avec l'histoire de la base sous-marine, quoi, je sais pas ce que t'en penses. Bah, tu dis ça ressemble à un pot pourri, moi je vais enlever le pot, donc pour moi, voilà, la bande-annonce me semble tout à fait pourri, c'est pas un truc que je vais aller voir, je vais même pas le regarder au 100 degrés ou quelque chose comme ça, parce que moi les séries Z je suis pas fan, hein. Autant regarder Mosquito, hein, je me suis encore plus éclaté, donc non, The Meg, puis moi voilà, Jason Statham qui joue du Jason Statham pour quelque chose qui m'intéresse. Au niveau jeu d'acteur, ouais, quand on le regarde dans Le Transporteur ou dans Fast and Furious ou etc, ouais, il joue du Jason Statham, il y a que dans The Expendables où ça sort un peu du lot. Ouais, c'est vrai que le mec est un peu monolithique, il a deux expressions, c'est un peu comme les Lundgren et les Seagal, j'ai envie de dire. Bon, le mec est sympathique dans The Expendables parce que justement il a Stallone, il a aussi Van Damme, il y a d'autres acteurs qui savent un petit peu jouer quand même, mais sinon c'est vrai que c'est pas pour le jeu d'acteur qu'on va y aller quoi, c'est un peu pour les effets spéciaux. Moi je le regarderai quand même parce que j'aime bien tout ce qui est film de requin, mais moi je vous conseillerais de revoir quand même Les Dents de la Mer où il y avait vraiment une vraie ambiance, une vraie atmosphère, où là vraiment il y a une vue subjective qui était instaurée par Spielberg, parce que comme on en avait parlé précédemment, il avait d'énormes problèmes pour mécanique avec le requin qu'il appelait Bruce, et c'est vrai que Les Dents de la Mer c'est un classique et ça vieillit pas quoi. Enfin, je sais pas pour toi, mais... Autant regarder Les Dents de la Mer. Voilà, au niveau des effets spéciaux, Dents de la Mer, ils ont énormément de problèmes. Donc, ils ont fait dans le subjectif. Conclusion, le film, il est tellement prenant qu'on a peur pour les baigneurs, on a peur pour les mecs sur le bateau, on a peur tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'on voit presque pas le requin. Ouais, on le voit pas, puis on le voit, mais vraiment, toute dernière seconde, les toutes dernières minutes, quoi. Et après, là, dans The Meg, voilà, donc là, on nous montre une exposition de CGI, et voilà, donc il y a pas de scénario derrière. Donc, apparemment, il y aurait pas de scénario derrière, donc moi, c'est pour quelque chose qui m'intéresse. Moi, je vais jeter un coup d'œil parce que j'aime bien le côté un peu Z, et puis les requins géants, moi ça m'intéresse un petit peu. Ce sera sans conviction, je veux dire. Bon, au niveau des news, je pourrais dire tout simplement, c'est que Disney a annoncé une nouvelle série animée Résistance. Alors cette série animée, elle se situera avant l'épisode 7, et donc on trouvera un nouveau personnage, il y aura le retour de personnages comme Poe Dameron ou le Capitaine Phasma, justement. Personnage complètement inutile qu'on peut virer d'ailleurs. Voilà quoi, un peu pour terminer ce que je voulais dire, apporter une conclusion à cette rubrique news. Et de mémoire, elle sera canon, hein, il me semble, cette série, c'est-à-dire qu'elle se raccordera à l'univers et que ce sera considéré plus ou moins comme canon, un peu comme Star Wars Rebels. Star Wars Rebels, Star Wars Clone Wars et les films. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.